tout ce que j'ai, je ne le veux pas. Tout ce que je veux, je ne l'ai pas. Ce que je dis, n'importe quel fou peut le crier. Ce que je voudrais dire ne peut être dit. Alors, je voudrais me blottir dans les bras de la musique, tendrement, sensuellement, doucement, mais, but, no sound is innocent. Thank you. Thank you.